Les oiseaux ne chantent plus parce qu'il n'y a plus d'oiseaux. La vie a disparu, la terre est un caveau. C'est le grand jeu de la planète, mourir pour renaître. Il faudra attendre des années avant d'avoir de la purée. La vie a eu sa chance et la chance est passée. Il n'y a plus de ciel, plus de couleurs, plus de miel, plus d'ascenseur. C'est le grand jeu de la planète, mourir pour renaître. Il faudra attendre des décennies pour manger des raviolis. Le vent balaye des cendres et partout ça sent mauvais. Il n'y a rien à comprendre, la boucle est bouclée. C'est le grand jeu de la planète, mourir pour renaître. Il faudra attendre encore quelques siècles avant d'avoir un bon beefsteak. Ce soir, la lune est triste de voir tout disparaître, car dans son rôle sinistre, elle doit tout transmettre. Comment parler de tes yeux, de tes courbes sous les draps, de tes baisers délicieux, de tes caresses sur mes bras. C'est le grand jeu de la planète, mourir pour renaître. Il faudra patienter des millénaires pour commander une bière.